다시 Y'a pas de cassette pour apprendre à placer ses idées, ses pensées de façon sensée, retourner les mots dans tous les sens et partager ses connaissances, c'est inné. Moi c'est ma destinée, quand ça vient à toi faut pas esquiver. Trip et déprime et des crimes dans ma ville, plus tard j'écrirai des films sur le fil de ma vie. Que je sois dans un taudis ou une villa, que je vois des gars censés ou des pilas, côté de moi j'aurai toujours un pic à portée de main pour te guider, t'aider à assurer le lendemain, à assumer quand on aura besoin. Que tu ne voudras qu'être dans ton coin avec ce son qui te fera du bien. Pas sûr d'être un putain de mec, mais certains trucs font que je me démerde et certains tubes font que je me démène. Ma mène. Pas sûr d'être un putain de MC, mais ce qui me réconcilie c'est que t'apprécies mes missiles. Miss dans la masse de MC que t'écoutes sous celle-ci. J'mets sans dessus dessous les règles, je l'avoue, mais la faute à qui? Peut-être à Babou. C'est coup trop testostéroné, les trois quarts de ses phrases toutes erronées. J'lui rirai bien au nez, mais je vais me faire cogner avec une bouteille de JD. Chez moi c'est plutôt peace and love and peace et peace sur les vicieux. Puissance prennent pour des messieurs comme si Messi faisait un petit pont sur Missy. On s'amplifie de soucis, on anticipe le profit du possible. On suit pas la voie de Rossi pour ne pas devenir d'une amende passive. J'ai un style unique, c'est en ça que je crois. Créant des rythmiques qui t'en donnent la foi. Derrière mon style oblique, je kiffe à chaque fois. Passant sur le beat, des images que tu vois. Je me rappelle de mes premiers écrits, tout petit c'était pas du rap, c'était des cris. Pourtant je me souviens c'était pas si gris. À l'époque je me tâtais entre cours ou hobby, j'avais du temps et toujours plein de couplets magiques. Ça a pas changé sauf que j'ai choisi ma zik. L'heure passe trop vite, j'en deviens amnésique. J'aimerais être deux pour croquer plus dans la vie, avoir encore plus de trucs à dire, de scènes à écrire, de scènes à remplir, de l'arsène à éviter, de ma quête à étiqueter et ma quête dictée avec ma tech. Quand tu me dis rec, mec, on dirait que t'as envie de ça aussi. T'as capté, plus t'en passe, plus t'en rates si. Tu rapes aussi, tu largues aussi des syllabes ou signes aussi rage possible. Des textes, des mots, des tests, des projets. Même sans être pro, j'ai l'intime conviction que c'est ce qui nous fera avancer. Quand on sera en train de couler, nous fera recommencer tout ce que l'on n'a pas géré. J'ai géré, récupéré tout mon potentiel. J'ai juré de ne pas trahir mes potes au ciel. J'ai géré pour résoudre tous mes contentieux. Et j'ai jamais caché quand j'étais content de ceux qui me font du bien. Ma plume se lâche ou rien. Comment ça tu n'en sais rien? Tu me connais peut-être pas si bien. Comment peux-tu me comprendre mieux qu'à travers mes monologues? Sache que mes pensées et mon phrasé sont tous deux analogues. Pense à ça quand tu te logues sur ton Facebook ou ton blog. Jouer te paraît si drôle, mais les gens sont pas des pogs. Que tu frappes et échanges, que tu achètes et que tu ranges, que tu zappes et que tu rappelles lorsque ça t'arrange. Comment ça se fait que certains ont besoin de tout ça? Je te demande, moi je préfère être frais, c'est plus frais que tout ça. J'ai pas la notice, je suis même pas sur la piste. Pourtant y'a une longue liste de gens qui persistent à jouer un rôle plutôt que devenir autiste, que de leur ressembler, j'insiste. Prépare une assemblée pour tous les démasquer. Ça se fera sans blessure et sans blé, je te le dis d'emblée. Fuck le maquillage, je suis plutôt coquillage. Repas de mariage et nos rodkas, nos pillages. J'ai un style unique, c'est en ça que je crois. Créant des rythmiques qui t'en donnent la foi. Derrière mon style oblique, je kiffe à chaque fois. Passant sur le beat, les images que tu vois. J'ai un style unique, c'est en ça que je crois. Créant des rythmiques qui t'en donnent la foi. Derrière mon style oblique, je kiffe à chaque fois. Passant sur le beat, les images que tu vois. J'ai un style unique, c'est en ça que je crois. Créant des rythmiques qui t'en donnent la foi. Derrière mon style oblique, je kiffe à chaque fois. Plaçant sur le beat, des images. J'ai un style unique, c'est en ça que je crois. Créant des rythmiques qui t'endorment la foi. Derrière mon stylo beat, je kiffe à chaque fois. Plaçant sur le beat, des images que tu vois.